l'Église orthodoxe aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Mercredi dernier, le 18 janvier, a commencé la semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens. Le thème central proposé pour la célébration œcuménique et les méditations de cette semaine est « Là où deux ou trois se trouvent réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux », des paroles du Christ mentionnées dans l'Évangile selon saint Matthieu. Ce dimanche, en ce moment même où notre émission est diffusée à la radio Notre-Dame, a lieu le rassemblement œcuménique régional pour l'Île-de-France à l'église catholique Notre-Dame-du-Val à Bussy-Saint-Georges. Après la prière œcuménique, à partir de 19h, il y aura une rencontre entre les jeunes animée par le groupe de Nîmes. Dans le cadre d'un cycle de conférences sur les religions du monde, le christianisme en toutes ses facettes, après l'orthodoxie en Grèce et en Orient et l'orthodoxie dans le monde slave, présenté les semaines dernières par Michel Stavrou, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe en Sèche de Paris, et par le père Job Getcha, le nouveau doyen de cet institut, vendredi prochain, le 27 janvier, à 15h, une conférence sur le thème « L'orthodoxie en Roumanie » sera donnée par le père Răzvan Ionescu, recteur de la paroisse roumaine Saint-Parasève, Sainte-Geneviève de Paris, au centre Sèvres, 95 bis rue de Sèvres, Paris 6e, métro Sèvres-Babylone. Le vendredi 3 février, à 15h, aura lieu une table ronde sur le thème « L'orthodoxie aujourd'hui, la communion entre les églises territoriales, les diasporas » avec la participation des trois conférenciers. Pour nous parler sur l'œcuménisme et sur la prière pour l'unité des chrétiens, nous avons invité le père archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen des paroisses de la métropole orthodoxe roumaine en France et recteur de la paroisse francophone Saint-Germain et Saint-Cloud à Louveciennes, près de Paris. D'origine française, le père Marc-Antoine est agrégé de lettres et enseigne le français dans un lycée de la région parisienne. Mercredi dernier, dans sa paroisse de Louveciennes, il a célébré un office d'action de grâce en présence des prêtres catholiques et des pasteurs protestants de la région. J'ai demandé d'abord au père Marc-Antoine de nous dire ce qu'il comprend par l'œcuménisme. En tant que membre de l'Église orthodoxe et en tant que prêtre, pour moi, le mot œcuménique désigne l'universalité de la foi, et en particulier l'universalité de la foi telle qu'elle est exprimée par les grands conciles, les sept conciles qu'on appelle œcuméniques. Donc pour nous orthodoxes, je pense qu'on est à peu près d'accord quand même tous les orthodoxes là-dessus, l'œcuménisme, c'est lié à la foi œcuménique des conciles œcuméniques eux-mêmes. C'est-à-dire que une universalité chrétienne est pensable pour nous dans son lien avec cette plénitude de la tradition des saints-pères. Donc c'est un terme très très positif quand on parle d'œcuménicité de l'Église ou de la foi ou de la tradition, ça désigne cette plénitude, à la fois plénitude et universalité de la foi et de l'expérience ecclésiale qui a été celle des chrétiens depuis les saints apôtres et les saints pères, et qui a été sanctionnée provisoirement d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir d'autres conciles œcuméniques un jour qui expliquent encore plus, mais enfin, qui a été sanctionnée provisoirement ou provisoirement définitivement par les sept conciles œcuméniques qui sont, comme l'a dit les théologiens orthodoxes, les colonnes, les fondements de la vérité. Alors, donc aujourd'hui, l'œcuménisme est un mouvement, est un appel, est une prière, est une expérience aussi de partage de ce trésor commun, du tronc commun de la tradition apostolique et patristique. Et donc, moi, c'est vrai qu'en tant qu'orthodoxe, j'aime moi-même approfondir pour moi-même cette tradition œcuménique des saints-pères, qui s'exprime dans la liturgie, dans la théologie, dans la vie spirituelle, dans la vie ascétique, dans la conception de l'Église, tout ce que peut véhiculer la tradition des apôtres et des pères. Et donc j'aime l'approfondir pour moi-même, j'ai à peine commencé, dirais-je, mais j'aime aussi la faire partager, j'aime à dire à mes amis catholiques romains ou réformés que cette tradition des saints-pères leur appartient, que la vénération des icônes, ça appartient à tout chrétien, que ça fait partie justement de la foi œcuménique, voilà quelque chose qui est typique, que appeler la Vierge la Mère de Dieu, ça fait partie aussi de l'œcuménicité de la foi, que donc tout chrétien est appelé à vénérer Marie la Vierge comme mère de Dieu, que c'est un concile œcuménique, donc tout chrétien, que la glorification du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la prière, ça fait partie aussi du patrimoine commun de l'expérience chrétienne, et que d'une certaine façon, oui, la tradition patristique, elle n'est pas la propriété privée des orthodoxes. L'orthodoxie n'est pas la propriété privée des orthodoxes. L'orthodoxie qui, de mon point de vue, s'identifie justement avec cette œcuménicité de la tradition, l'orthodoxie n'est pas la propriété privée des orthodoxes. Donc il y a une espèce d'appel à l'unité dans le sens de appel à communier tous à cette tradition commune et faire les efforts qu'il faut, y compris nous les orthodoxes. C'est-à-dire, nous les orthodoxes, quelquefois, ne sommes pas très orthodoxes. On a le label orthodoxe, on a l'étiquette orthodoxe, on a la carte d'appartenance à l'église orthodoxe, on est inscrit sur les registres paroissiaux, hein. Mais quelquefois, on n'est pas très orthodoxe. C'est-à-dire qu'on a du mal à suivre la tradition orthodoxe, on a du mal à suivre la tradition du jeûne, on a du mal à vénérer les icônes vraiment de tout son cœur. On a du mal à fonctionner vraiment de manière ecclésiale, vraiment communautaire. Souvent, on est dans une théorie orthodoxe, bon, qui est la meilleure théorie du monde, mais quelquefois, on ne le fait pas bien. Donc, on n'est pas nous-mêmes, les orthodoxes, ne sommes pas très orthodoxes. Donc, je veux dire, l'appel à être orthodoxe, l'appel à être dans l'œcuménicité de la foi, l'appel à vivre vraiment la tradition œcuménique de l'Église, c'est un appel qui s'adresse aussi aux orthodoxes, aussi aux orthodoxes. Et donc ça rend modeste, ça rend humble un petit peu. Dans cet esprit-là, et dans cette compréhension de l'écuménisme, est-ce que vous considérez que dans les dernières décennies, il y a eu des pas importants vers une unité des chrétiens ? Je pense que ce phénomène d'unité des chrétiens est un phénomène très important qui marque le XXe siècle. Je profite peut-être de cette émission justement pour rendre hommage à la bienveillance, hein, au respect mutuel, à l'attitude très constructive, très, très positive qui se manifeste entre chrétiens. Et je le dis, on va me dire que je suis naïf peut-être, on va me dire que je ne sais pas ce qui se cache, etc. Mais moi, je personnellement, en tant que chrétien, en tant que prêtre, je veux témoigner devant Dieu de ce que je vois et de ce que je sais. Et donc il y a au moins depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être plus, enfin, en tout cas actuellement, il y a une attitude entre les chrétiens qui est vraiment souvent une très bonne attitude, très fraternelle, très respectueuse. Il y a beaucoup d'amour quand même. Même quand on n'est pas d'accord sur tout, même quand on doit encore discuter sur l'ecclésiologie, sur comment célébrer la liturgie, sur comment concevoir l'Église, qu'est-ce que c'est que la primauté dans l'Église, etc. On peut très bien ne pas être d'accord sur tout, ce n'est pas si facile de partager cette tradition commune, pourtant. Ce n'est pas si facile. Mais on peut s'aimer. Et il y a beaucoup d'amour entre les chrétiens. Donc ça, c'est vraiment, il faut le dire, il faut remercier Dieu. Moi, je pense que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est aussi une semaine d'action de grâce pour les chrétiens, pour tout ce que les chrétiens aussi font ensemble, les positions communes dans le domaine caritatif, dans le domaine social, dans le domaine moral, pas toujours, mais quand même assez souvent, dans la vie, dans la cité, dans la société. Ça, c'est vrai, ce sont des moments très importants, des moments d'unité, des moments de concorde, des moments de coopération chrétienne, dans l'ACATE, par exemple, je sais pas, je prends cet exemple-là. Ben voilà, on peut être des chrétiens différents et agir en même temps, dans le même sens. Et ça, ce sont des moments et des signes, des temps très importants. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, l'Esprit-Saint a apporté beaucoup de fruits, d'unité, de réconciliation déjà. Alors, tout ça se fait dans la liberté aussi, hein. On ne peut obliger personne à adhérer au credo de Nicée-Constantinople, parce que vous laissez, ça doit être libre. Dieu ne veut pas d'une unité qui ne comporte pas la liberté. Dieu veut une unité à son image, c'est-à-dire une unité trinitaire, une unité dans laquelle les personnes librement adhèrent Ils sont en communion librement. Donc c'est heureusement, grâce à Dieu, le temps où les chrétiens utilisaient le pouvoir séculier pour imposer l'unité aux autres est un temps révolu. Et on est dans un temps où, évidemment, c'est un temps de la liberté, la liberté de penser, mais aussi la liberté de l'esprit avec un grand E. L'unité des chrétiens, ça relève d'une conversion. Une conversion de ces fameuses adhésions libres. Donc ça relève d'un miracle fait par Dieu, avec des gens qui sont de bonne foi, qui sont de bonne volonté, bien entendu, mais on ne peut pas tout seul, sans Dieu, arriver à l'unité en Dieu. Donc ça relève de la prière. Et ça veut dire qu'on pourrait demander aussi, dans la prière de l'Église orthodoxe, que Dieu nous rende, nous, les orthodoxes, dignes des autres, dignes de parler de l'orthodoxie, dignes de témoigner de l'orthodoxie avec humilité, avec simplicité, avec humour éventuellement, digne d'être au service de l'orthodoxie et non pas propriétaire de l'orthodoxie, au service. Que Dieu nous donne cela. C'est vrai. Et maintenant, c'est vrai qu'on a une autre façon de faire. On peut aussi prier seul dans sa chambre, dire le chapelet toute la semaine, ou jeûner toute la semaine, en priant pour justement que Dieu donne à tous les chrétiens un esprit de réconciliation et de paix. Mais oui, on peut prier comme ça, pourquoi pas, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on parle d'équivalence, là encore. Hein. Bien sûr que c'est pas équivalent, mais il y a des gens sincères, il y a des gens de bonne foi, il y a des orthodoxes qui vont redécouvrir l'orthodoxie, il y a des non-orthodoxes qui vont redécouvrir la tradition des saints-pères. On va peut-être justement vers la possibilité de communier. C'est vraiment très important, bien sûr. C'est une souffrance de penser que des personnes sont privées ou se privent de la communion eucharistique. C'est une souffrance. Mais voilà, on peut prier Dieu, que Dieu nous donne un esprit de réconciliation, de paix, de non-jugement, de fraternité, d'humilité. Qu'il donne en particulier cet esprit de réconciliation fraternelle à tous ceux qui se réclament de son nom, de Jésus. Vous voyez, c'est vraiment important. On pourrait élargir à tous les hommes. C'est vrai qu'on peut prier pour le monde, pour que Dieu donne à tous les hommes qui ont l'intuition de sa divinité, qui donne à tous ces hommes-là la connaissance parfaite de la vérité et la grâce de se réconcilier en lui, de s'aimer en lui. On peut penser aussi que cette troisième semaine du mois de janvier, qui est consacrée comme semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cette semaine a été préfacée par une fête chrétienne orthodoxe dédiée à saint apôtre Pierre. Le 16 janvier, c'est la fête de la vénération des précieuses chaînes de l'apôtre Pierre. Donc c'est une fête qui a son origine dans un passage des Actes des Apôtres qui rapporte comment l'apôtre Pierre a été libéré miraculeusement, non seulement de sa prison, la prison où il était en l'an 43, mais libéré également des chaînes qu'il portait. Ce texte des Actes des Apôtres montre comment donc, les chrétiens ont reçu ces chaînes de l'apôtre Pierre comme des reliques en quelque sorte, d'où une tradition de vénération de ces reliques du saint apôtre Pierre, qui a sacrifié sa vie en fait pour l'Église de manière admirable, qui a confessé la vraie foi de manière tout à fait admirable par la grâce du Saint-Esprit, comme l'a dit le Christ lui-même, et qui a été on a toujours accepté ça, donc le premier parmi les égaux, on l'appelle le coryphée des apôtres, c'est-à-dire que non pas exerçant un pouvoir sur le collège apostolique, mais étant parmi les apôtres, exerçant une primauté, une belle primauté parmi les égaux, là aussi, au sein des apôtres. Donc c'est vrai que c'est bien que cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pour la réconciliation des chrétiens, pour la bienveillance des chrétiens les uns à l'égard des autres, pour le progrès des chrétiens vers la communion, pour le progrès des chrétiens dans la communion dans l'Église une, oui. Chers auditeurs, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons vous présenter le monastère orthodoxe Saint-Antoine-le-Grand qui se trouve dans le Vercors. En 1978, la communauté du monastère de Simonos Petra, au Mont Athos, comptait dans son sein trois moines d'origine française, les pères Placide, Séraphin et Élie. L'igoumène ou l'abbé du monastère, l'archimandrite Emilianos, décida que ces trois moines retourneraient en France pour créer des métochias, des dépendances du monastère de Simonos Petra. Le métropolite Meletios, archevêque de l'église grecque à Paris, connaissait bien ces moines et donna son accord. Il ne cessa par la suite d'appuyer le projet avec toute sa bienveillance. C'est ainsi que naquirent deux métochias français, le monastère de la Transfiguration, situé en Dordogne, et le monastère Saint-Antoine-le-Grand, en Dauphiné, dans un site admirable du Vercors. Les moines orthodoxes du monastère Saint-Antoine-le-Grand, aidés par leurs frères grecs du monastère Simonos Petra, ont été les premiers à commencer un travail systématique d'adaptation et d'interprétation du chant liturgique byzantin en français. D'ailleurs, ils interprètent les chants que vous allez entendre durant cette émission. Terre de prière depuis de nombreux siècles, le site classé de Combes-Laval entoure aujourd'hui Saint-Antoine-le-Grand de ses falaises. Près de l'église du monastère, accompagné par les chants des oiseaux et les frémissements des eaux de la rivière Cholet, je me suis entretenu avec le père Martin, un moine d'origine hongroise. Je lui ai d'abord demandé comment est née l'initiative de fonder ce monastère. Le père Placide, qui est supérieur de notre monastère, avec le père Séraphin, d'abord, ils sont allés au mont Athos, en Grèce, donc sur ce presqu'île qui est dédié à la Mère de Dieu, sur laquelle il y a à peu près 1800 moines actuellement. Et ils sont allés dans le monastère de Simonos Petra, l'un des 20 monastères sur cette presqu'île, où ils étaient accueillis comme s'ils étaient accueillis chez eux, dans leur famille. Ils sont devenus orthodoxes là-bas et ils étaient renvoyés en France pour fonder un monastère qui représentera les prières du Matos en France. Ne sachant pas où aller d'abord, ils sont allés prier sur les reliques de Saint-Antoine, à l'abbaye Saint-Antoine dans l'Isère, et demander l'aide de Saint-Antoine pour les fondations qu'ils devaient entreprendre. Deux semaines après qu'ils ont demandé l'aide, ils ont reçu une lettre en disant « Venez, j'ai quelque chose à vous montrer ». C'était l'endroit ici, dans le Vercors, où nous sommes actuellement. Donc le monastère était fondé de cette façon, à cet endroit ici. Et tout d'abord, il y avait le père Placide et père Séraphin, les deux qui ont commencé la vie monastique. C'était en quelle année ? C'était en 1978. Et bien que tout d'abord, ils voulaient fonder un monastère pour les hommes, mais c'était des moniales, des sœurs qui ont rejoint d'abord les deux pères. Et petit à petit, quand elles étaient 4-5, elles ont acheté une autre maison à 3 km d'ici. Et c'est en ce moment-là qu'il commençait à y avoir des vocations des moines qui venaient petit à petit. Quand est-ce que les travaux pour la nouvelle église ont commencé ? C'est en 1988 qu'on a posé la première pierre de la grande église. Et les travaux de la maçonnerie, ça a duré pendant 2 ans et demi. Deux maçons du village de Saint-Jean qui sont venus monter les murs. Les plans de l'architecture étaient réalisés par l'un des moines ici. Et beaucoup de choses comme tous les boiseries sculptées, l'iconostase, les stalles, les petites colonnettes taillées en pierre dans les fenêtres, ça a été fait par les moines. On a posé les dallages, on a fait les enduits avant les peintures. Mais c'est deux peintres, Yaroslav et Galina Dobrynin, qui ont décoré l'église pendant 6 ans. Thank you. Est-ce que vous pouvez nous dire sur la spécificité de l'architecture de cette église qui marie le style romain et le style byzantin? L'église était construite dans le style byzantin, mais en même temps, on a essayé d'adapter ce style à ce lieu de la France qui a le style plutôt roman que les gens ont l'habitude de voir. On a marié, je dirais, les deux. Et c'est comme ça que l'église était construite, tout en étant dans la tradition byzantine et en s'adaptant à ce lieu-là où le style roman était beaucoup plus familier. Il y a 600 mètres carrés peints admirablement par un autre iconographe. On a choisi des thèmes qui sont propres à la France aussi, et en même temps ça représente aussi l'histoire de l'église chrétienne, tout simplement. Donc il y a des saints propre de la terre de la France. Ainsi, on a l'Apocalypse qui est un thème peu représenté. C'est seulement à partir du XVIe siècle qu'on représente dans l'orthodoxie, mais dans l'art roman, on trouve sur presque tous les tympans de l'église romane, surtout en sculpture, ce thème. On a représenté à l'entrée de l'église, dans le narthex, la voûte centrale du narthex est consacrée entièrement de ce thème de l'Apocalypse. Ainsi, on a le début et la fin, c'est-à-dire on a la création du monde et la fin des temps qui est représentée dans le narthex. Père Martin, combien de moines se trouvent aujourd'hui dans ce monastère? Nous sommes 10 dans ce monastère. Il y a 7 Français, 2 Hongrois et 1 Portugais. Le Père Séraphin a fondé une petite dépendance de notre monastère sur l'île de Porquerolles, dans le fort de la Repentance. Pour l'instant, il est seul. Il est en train de transformer un ancien fort militaire en monastère. Et il y a le Père Silouane qui est chez les sœurs. Les sœurs qui ont commencé leur vie monastique ici, dans le monastère Saint-Antoine. D'abord, elles sont déménagées à 3 km d'ici, mais la maison là-bas aussi est devenue trop petite pour elles. Et elles sont déménagées encore un peu plus loin. Actuellement, elles sont à côté de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Et elles sont une quinzaine. Et alors là, chez les sœurs, il y a beaucoup de nationalités qui viennent de Brésil, de Portugal, d'Espagne, d'Allemagne, il y a aussi quelques Françaises et d'autres qui viennent de Suisse. Donc c'est très international, nos deux communautés. Ça représente aussi l'internationalité de l'orthodoxie qui se trouve intégrée dans cette tradition orthodoxe dans tous les pays. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère Simonos Petra au Mont Athos et du monastère Saint-Antoine le Grand dans le Vercors. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM et durant toute la semaine sur la rubrique podcast orthodoxe du site internet orthodoxie.com.